إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, bienvenue à tous pour cette nouvelle série de cours dans laquelle nous allons commencer la lecture d'un nouveau chapitre du livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, d'Al-Hafid al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et le chapitre que nous allons lire est intitulé Bab al-Tawbah, le chapitre du repentir. At-tawba, que l'on traduit par le repentir, est employé en langue arabe dans le sens du retour, le fait de revenir d'une chose. Et dans la législation, at-tawba, c'est le fait de revenir de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala à son obéissance. C'est-à-dire qu'on quitte la désobéissance à Allah, qu'on quitte les péchés et qu'on revient à son obéissance et aux bonnes actions. Et Al-Hafid al-Nawawi rahimahullah ta'ala a introduit ce chapitre par un préambule très profitable dans lequel il nous a exposé le jugement du repentir ainsi que ses conditions. Il a dit rahimahullah, قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. Les savants ont dit, le repentir est obligatoire de tout péché. C'est-à-dire que quel que soit le péché que tu aies pu commettre, il est obligatoire pour toi de t'en repentir. Et les péchés, comme vous le savez, sont de plusieurs sortes. Ils n'ont pas tous le même degré de gravité. Le plus grave et le plus dangereux des péchés est le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire pour tout homme qui a commis une forme de shirk, une forme de polythéisme, quelle qu'elle soit, de délaisser ce shirk et de revenir au tawhid, de revenir au culte exclusif qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il est obligatoire pour toute personne qui commet un grand péché de se repentir de ce grand péché, que ce soit un péché lié à la consommation de produits interdits, comme la consommation d'alcool, de boissons enivrantes, de drogues ou autres, ou encore que ce soit un péché lié aux turpitudes et aux déviances dans les mœurs, ou encore que ce soit un péché lié à la langue, comme le mensonge, la médisance, qui font partie des grands péchés. Toute personne qui commet un de ces péchés, il est obligatoire pour elle de se repentir de ce péché à Allah subhanahu wa ta'ala et de le délaisser. Et enfin, il nous incombe également de nous repentir de tous les péchés mineurs qu'il peut nous arriver de commettre, et ce, à différents degrés. Et celui qui se repent d'un repentir sincère, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et il sera ensuite comme celui qui n'a pas commis de péché, aussi grave soit le péché qu'il ait pu commettre. Il y a certaines personnes, parfois, qui après avoir commis certains péchés, ils pensent qu'ils sont arrivés à un point de non-retour, qu'ils ont commis tellement de mal qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et ça, c'est une des ruses parmi les ruses du diable pour t'écarter du droit chemin, de te faire penser que tu ne peux plus te repentir. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il est le grand accueillant au repentir de ses serviteurs et qu'il pardonne tous les péchés. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez commis des péchés, car lorsque tu commets un péché, tu te nuis à toi-même en réalité, tu te causes du tort à toi-même. Donc, ici Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ô vous qui avez commis des excès, qui avez commis des péchés, à votre propre détriment, qui vous êtes causé du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés, quels qu'ils soient. Même le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à celui qui s'en repent de son vivant. Même les plus graves formes de mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne à son auteur s'il se repent de son vivant. Même les plus graves des péchés, comme les turpitudes, le meurtre, la consommation d'alcool et autres parmi les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne à celui qui s'en repent. Tu ne dois donc jamais désespérer de la miséricorde de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Par contre, tu dois savoir que le repentir n'est pas une simple prétention. Mais pour être accepté, le repentir doit remplir certaines conditions. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir indiqué que le repentir est une obligation pour chacun d'entre nous, pour chaque péché, il dit « فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِي فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ » Il dit « Et si la désobéissance qui a été commise est entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle n'est pas liée au droit d'un être humain, alors il a trois conditions. C'est-à-dire que pour être accepté, le repentir doit impérativement remplir ces conditions qu'il va nous citer. Et il dit qu'elles sont au nombre de trois en ce qui concerne les péchés qui sont entre le serviteur et Allah. Car il y a des péchés qui sont seulement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Comme, à titre d'exemple, parmi les péchés que l'on a mentionnés, le shirk, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché qui est entre le serviteur et son Seigneur. Mais il y a d'autres péchés qui sont une forme d'atteinte aux droits d'autrui parmi les serviteurs, comme le vol, le meurtre, ou encore les péchés de la langue, la médisance, et ainsi de suite. On va donc différencier en ce qui concerne les conditions du repentir entre ces deux sortes de péchés. Et ici, il commence par nous mentionner les conditions du repentir des péchés entre le serviteur et son Seigneur. Il dit, rahimahullah, « Ahaduha an yuqli'a anil marsiyah » La première des conditions est qu'il délaisse la désobéissance, qu'il délaisse ce péché. Ceci est la première condition pour que ton repentir soit accepté. Que tu délaisses ce péché que tu as commis. Et cette condition fait partie des conditions les plus importantes. Car il n'est pas possible de prétendre se repentir alors qu'on persiste sur le péché. Donc si ce péché relevait du délaissement d'une obligation, alors le délaissement de ce péché est d'accomplir cette obligation. Si par exemple, le péché concernait le délaissement de la prière, comment on se repent du délaissement de la prière? En remplissant cette première condition qui est de délaisser le péché, c'est-à-dire d'accomplir la prière. Également, si une personne souhaite se repentir du délaissement de la zakat, elle ne sort pas la zakat, elle a des richesses et elle ne verse pas la zakat sur ses richesses. Comment elle se repent à Allah subhanahu wa ta'ala de ce péché? En versant sa zakat. Et ainsi de suite, parmi les obligations qui peuvent parfois être délaissées par certains serviteurs. Donc si ton péché concerne le délaissement d'une obligation, la première condition pour que ton repentir soit valide est que tu accomplisses cette obligation et que tu cesses de la délaisser. Et si ce péché concerne un acte interdit ou une parole interdite ou autre que tu as commis, alors tu te dois de délaisser immédiatement cet interdit, sans retarder cela. Tu ne peux pas persister dans le péché et dire que tu t'en repens, mais tu dois impérativement le cesser. Si par exemple une personne consomme des boissons enivrantes ou consomme des produits stupéfiants, pour se repentir, elle devra arrêter de consommer ces produits. Si une personne a commis comme péché, comme interdit, le fait de regarder ou d'écouter des choses illicites qui sont interdites dans notre noble religion, alors son repentir consistera en premier lieu à cesser de regarder ces choses ou de les écouter. Et tu ne peux pas dire « je me repens » alors que tu continues de regarder et d'écouter ces choses-là. Mais celui qui veut vraiment se repentir, il doit impérativement délaisser le péché duquel il se repent. Ceci est donc la première condition. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَثَانِ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا. La deuxième condition est qu'il regrette de l'avoir commis. Qu'il regrette d'avoir commis ce péché ou cet acte de désobéissance. Tu regrettes ce péché, tu as des remords. Et ceci fait partie des conditions du repentir. et par conséquent, tu devras t'éloigner de tout ce qui s'oppose au regret. Par exemple, tu ne vas pas te vanter de ton péché. Et ça, c'est très important. Car il y a certaines personnes, malheureusement, qui vont parfois se vanter de certains péchés commis dans leur passé. Et ceci s'oppose au repentir. Ou alors, ils vont parler avec fierté de choses interdites commises dans leur passé, et desquelles ils sont censés s'être repentis. Et se vanter de cela s'oppose au repentir. Les gens de science ont même dit que la preuve de la véracité du serviteur dans son repentir est qu'il regrette avoir commis le péché. Il y a certaines personnes vertueuses qui, lorsqu'elles commettent un péché, sont prises de remords, au point même parfois d'en pleurer, car elles sont conscientes de la grandeur de celui à qui elles ont désobéi, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Et ceci est une preuve de leur véracité, bi'idhnillahi ta'ala. Et il y en a d'autres qui, après avoir commis un péché, s'en réjouissent. Ils sont heureux d'avoir pu commettre ce péché. Ils n'ont aucun regret. Ou pire encore, ils s'en vantent et sont fiers d'avoir commis ce péché. Alors celui qui agit de cette manière, il n'aura pas rempli cette condition et son repentir ne sera pas valide. Ensuite, il nous dit, والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا. La troisième condition est qu'il ait la ferme volonté de ne plus jamais y revenir, de ne plus jamais revenir à ce péché ou cet acte de désobéissance. Tu dois avoir cette intention dans ton cœur et cette ferme volonté au moment du repentir. Mais si tu as l'intention de commettre le péché à nouveau dès que l'occasion se présentera, alors ce repentir-là n'est pas valide. Comme c'est le cas, par exemple, d'une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblée de certaines richesses dans ce bas monde. Il lui a accordé de l'argent et beaucoup de richesses. Et au lieu de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ces richesses qu'il lui a accordées, il utilise ces richesses dans les péchés et la désobéissance. Il utilise cet argent pour commettre des interdits, pour commettre des péchés, pour acheter des choses interdites, ou pour se rendre ou voyager vers des lieux dans lesquels il commet des interdits, ainsi de suite. Puis ensuite, il est touché par la pauvreté. Et étant donné qu'il est pauvre et qu'il ne possède plus ses richesses, il ne peut plus commettre ces péchés qu'il commettait. Alors il dit, Oh Allah, je me repens à toi. Mais en réalité, dans son cœur, il a l'intention que, si sa situation s'améliore et qu'il sort de cette pauvreté, alors il retournera dans ses péchés. Celui-ci, il ne s'est pas repenti en réalité. Il a délaissé les péchés car il est incapable de les commettre. Mais en réalité, dans son cœur, il souhaiterait les commettre. Et on a déjà vu dans des cours précédents, pour ceux qui ont suivi avec nous, le premier chapitre de ce livre qui concernait l'intention et la sincérité, que la personne, elle peut être rétribuée en fonction d'une mauvaise intention. D'avoir l'intention de commettre un péché alors qu'on en est incapable. Comme la situation de cet homme que l'on vient de mentionner. Donc pour se repentir du péché, il faut réellement que tu aies la ferme volonté de ne plus les commettre. Mais si c'est simplement un délaissement suite à une incapacité, parce que tu ne peux plus commettre ce péché, donc tu l'as délaissé, comme par exemple quelqu'un qui consommait des produits interdits et qui ne peut plus se les procurer, alors il délaisse ces produits interdits. Il délaisse l'alcool, il délaisse les produits stupéfiants, ainsi de suite. Car ils ne lui sont pas accessibles. Et il sait que dès qu'ils lui seront accessibles, il les consommera à nouveau. Alors son repentir n'est pas valide et n'est pas accepté. Il est indispensable que tu aies la ferme volonté de ne plus commettre le péché. Et ici, il y a une question importante qui se pose. Car nous savons tous que les âmes sont faibles. Et que nombre d'entre nous peuvent avoir un penchant pour certains péchés. Donc qu'en est-il si je me repens d'un péché, puis par la suite je faiblis et retombe dans ce même péché? Est-ce que mon repentir est tout de même accepté? Car on vient de voir qu'il est impératif d'avoir la ferme volonté de ne plus commettre le péché. Mais si je le commets par faiblesse, qu'en est-il? La réponse est que si tu étais véridique, que tu avais la ferme intention et la ferme volonté, au moment de ton repentir, de ne plus commettre ce péché, duquel tu te repens et dans lequel tu es à nouveau tombé, alors ton premier repentir est accepté, inshallah ta'ala. Et si tu retombes à nouveau dans le péché par faiblesse, alors tu vas à nouveau t'empresser de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. même si le péché vient être commis plusieurs fois, à partir du moment où tu es véridique et que c'est simplement par faiblesse que tu retombes dans ce péché et que dans ton cœur tu avais vraiment l'intention de le délaisser, alors ton repentir précédent est accepté, inshallah ta'ala. Et tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah, mais tu dois plutôt faire des efforts pour toujours soigner ton intention, faire des efforts pour délaisser le péché, également faire des efforts pour délaisser les causes pouvant te mener à ce péché. Ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement délaisser le péché, mais il faut délaisser aussi les causes pouvant te mener à ce péché. Si c'est un endroit dans lequel tu commets le péché, tu délaisses cet endroit. Tu ne te rends plus dans cet endroit pour éviter de commettre ce péché. Si c'est un péché que tu commets à l'aide de certains appareils, alors tu délaisses l'utilisation de ces appareils pour ne plus commettre ce péché que tu commets avec ces appareils, et ainsi de suite. Tu délaisses les causes pouvant te mener au péché afin d'éviter de retomber à l'avenir dans ce péché. Et tu implores l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te facilite, pour qu'il t'accorde la fermeté et la persévérance sur la droiture et sur le délaissement de ce péché. Ceci sont donc les trois conditions impératives à remplir pour se repentir qu'a mentionné l'auteur rahimahullah ta'ala. Il dit « فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ » Et si l'une de ces conditions n'est pas présente, si l'une de ces conditions n'est pas respectée, son repentir n'est pas valide. On a dit première condition, délaisser le péché. Deuxième condition, regretter de l'avoir commis. Troisième condition, avoir la ferme volonté de ne plus le commettre. Si une de ces conditions est absente, le repentir n'est pas valide. Si la personne ne délaisse pas le péché, le repentir n'est pas valide. Si la personne n'a pas de regret, le repentir n'est pas valide. Si la personne a l'intention de commettre à nouveau le péché dès que l'occasion se présente, le repentir n'est pas valide. Il est impératif de respecter ces trois conditions. Et certains savants ont ajouté deux autres conditions. La première d'entre elles est la sincérité. C'est-à-dire que, étant donné que le repentir est une adoration, comme toute autre adoration, elle doit être accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton intention à travers ton repentir doit être de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir le pardon de tes péchés. C'est cela qui doit être visé. Et tu ne dois pas chercher à travers ce repentir les compliments des gens, leurs éloges, ou acquérir une certaine notoriété auprès d'eux. Ou encore, comme cela peut être le cas de certaines personnes, tu ne dois pas avoir l'intention, à travers le délaissement de ce péché, de te prémunir ou de te préserver des nuisances ou des sanctions des autorités. En effet, il y a certaines personnes qui vont parfois délaisser les péchés. Pourquoi ? Par peur des sanctions, par peur d'une peine de prison, par peur d'une amende, ou autre chose semblable. Et celui qui se repent pour une de ces raisons que l'on vient de mentionner, alors son repentir n'est pas sincère. Et s'il n'est pas sincère, son repentir n'est pas accepté. Car le repentir est une adoration. Et comme toute autre adoration, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc rechercher à travers ton repentir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa récompense dans l'au-delà, et le pardon et l'absolution de tes péchés. La deuxième condition que certains savants ont rajoutée, c'est que le repentir ait lieu à un moment d'acceptation du repentir. C'est-à-dire qu'il y a certains moments durant lesquels le repentir n'est plus accepté, et durant lequel il ne peut pas être profitable. Il y a un moment qui est particulier à chacun d'entre nous, et il y a un moment qui est général. Celui qui est particulier à chacun d'entre nous, c'est au moment de l'agonie. Une fois que le terme de la personne est arrivé, alors il ne lui est plus utile de se repentir. Et le repentir ne peut lui être profitable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ » Mais le repentir n'est point pour ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, puis qu'il s'écrie « Je me repens maintenant ». Lorsqu'il voit la mort venir, que son âme s'apprête à sortir de son corps, à ce moment-là, il ne lui est plus utile de se repentir. Car lorsque la personne voit la mort et qu'elle n'a plus aucun espoir de vivre, son repentir a lieu à un moment qui ne lui est pas profitable. Car il sait que son terme est arrivé. Il a la certitude que sa vie dans ce bas monde est terminée. Il n'a plus aucun espoir en ce bas monde. Il a la certitude qu'il quitte ce bas monde pour le barzakh, qui est la première étape de la vie après la mort. Donc se repentir à ce moment-là, il n'est plus utile. Il est obligatoire de se repentir avant cela. Et ça, en réalité, mes frères, c'est une exhortation immense pour chacun d'entre nous. Car nous sommes beaucoup à toujours retarder le repentir. Nous savons tous que nous commettons certains péchés, que nous avons certains manquements. Et beaucoup d'entre nous ont dans leur tête qu'ils se repentiront demain, après-demain, bientôt, prochainement, et ainsi de suite. Et le diable nous fait sans cesse repousser le repentir. Demain, je délaisserai tel péché. Bientôt, Inch'Allah, je serai sérieux dans l'accomplissement de mes prières. Et ainsi de suite. Et ça, en réalité, c'est des espoirs mensongers que nous insuffle le diable. Car à partir du moment où tu as la certitude que tu vas mourir, et nous allons tous mourir, personne ne doute à ce sujet. Toi et moi, nous savons tous que nous allons quitter ce bas monde, avec certitude. Mais la chose que nous ignorons, c'est quand allons-nous le quitter? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est durant la nuit? Est-ce que c'est demain matin? Dans un mois? Dans un an? On ne sait pas. Personne ne sait le terme qui lui a été fixé. Mais le terme, il est fixé. Toi, tu l'ignores, mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et au moment où ce terme viendra, l'ange de la mort viendra te retirer ton âme. Donc pose-toi la question. Est-ce que si ce moment doit être ce soir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui? Est-ce que ta situation est une situation qui te permettra d'obtenir l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala? Ou alors, est-ce que tu as de nombreux péchés desquels tu dois te repentir? Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa propre personne. On doit sans cesse se remettre en question et se rappeler de ce moment. Rappelle-toi qu'au moment de la mort, tu ne pourras plus te repentir. Donc empresse-toi dès maintenant. Empresse-toi dès maintenant à te repentir de tes péchés. Empresse-toi dès maintenant à prendre des bonnes résolutions, n'attends pas demain. Il se peut qu'en écoutant ce genre d'exhortation, parfois on se dise « Ceci est réel, on nous rappelle ici une chose qui va tous nous arriver, et j'y réfléchirai demain. » Mais demain le diable te fera oublier. Donc les résolutions, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Car peut-être demain tu ne te réveilleras même pas. Peut-être que demain, on retrouvera ton corps sans vie. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne fin. Et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Mais il est très important pour chacun d'entre nous de se rappeler sans cesse de cela. Qu'une fois la mort venue, le repentir ne peut plus être accepté. Et une fois mort, chacun d'entre nous souhaitera revenir sur terre afin d'augmenter les bonnes actions pour celui qui aura été bienfaisant et de se corriger pour celui qui a été malfaisant. Donc là, on est encore vivant, c'est encore le temps de se corriger, de se réformer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce de nous permettre d'être encore en vie jusqu'à pouvoir nous remettre en question et incha'Allah ta'ala améliorer nos situations. Donc le premier moment durant lequel le repentir n'est plus accepté, c'est au moment de l'agonie. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. Le deuxième moment qui est plus général, c'est lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la hijra, l'émigration, ne cessera pas tant que ne cessera pas at-tawba, tant que ne cessera pas le repentir. Et le repentir ne cessera pas, c'est-à-dire il ne cessera pas d'être accepté, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsque le soleil se lèvera de son couchant, plus aucun repentir ne sera accepté. Donc ceci fait un total de 5 conditions pour que le repentir des péchés que tu as pu commettre soit accepté. Les 3 conditions que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées, délaisser le péché, regretter l'avoir commis, avoir la ferme volonté de ne plus le commettre, et on a ajouté 2 conditions qui sont la sincérité et que le repentir ait lieu à un moment où il peut être accepté. Ensuite, il dit rahimahullah, وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِي فَشُرُوتُهَا أَرْبَعَةٌ. Mais si le péché, si l'acte de désobéissance est lié à un être humain, il est lié à une autre personne, tu as causé du tort à une personne, tu lui as porté atteinte, alors les conditions sont au nombre de 4. هَذِهِ الثَّلَاثَةُ, ces 3 qu'il a mentionnés, délaisser le péché, regretter l'avoir commis, avoir la ferme volonté de ne plus le commettre, plus les deux que l'on a ajoutés. وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا فَإِنْ كَانَتْ مَالًا نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ وَطَلَبَ عَفْوَهُ وَإِنْ كَانَتْ غِيبَةً إِسْتَحَلَّهُ مِنْهَا. La condition que l'on va ajouter lorsque le péché concerne une atteinte à autrui est qu'il s'affranchisse du droit de la victime. Si c'est de l'argent ou une chose semblable, il lui rend. Si par exemple une personne a volé, elle veut se repentir de ce vol, alors elle va rendre cet objet volé ou cet argent à la victime. Et ceci fait partie des conditions du repentir. Il ne peut pas dire « je me repens » puis il garde ce qu'il a volé. S'il garde ce qu'il a volé et continue d'en tirer profit, alors en réalité il ne s'est pas repenti. Pour se repentir réellement, il devra impérativement rendre ce bien volé à la victime. Et certains pourraient dire « il se peut que, par le passé, j'ai volé certaines choses à des personnes dont j'ignore l'identité. » Alors comment faire? La réponse est que si tu as la possibilité de connaître les propriétaires de ces objets qui ont été volés, ou de cet argent qui a été volé, et de leur remettre sans que ceci ne te cause de tort, alors ceci est ce qui est obligatoire pour toi. Mais si réellement tu es incapable de connaître les propriétaires ou le propriétaire de cet objet ou ces objets, alors dans ce cas-là, tu donneras en aumône ces choses qui ont été volées avec l'intention que la récompense de cette aumône revienne au propriétaire de cet argent ou de ces biens. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « Si c'est une peine pour diffamation ou autre péché semblable, il se rend pour subir la peine ou il demande son pardon, c'est-à-dire il demande le pardon de la victime. Par exemple, si une personne a diffamé un musulman, il l'a accusé d'avoir commis des turpitudes. Et ceci fait partie des grands péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré une peine légale, des coups de fouet. Donc celui qui a commis ce péché et qui se trouve dans un état où les peines légales sont appliquées pour compléter son repentir, il se rend pour subir la peine légale. Et il ne fait pas objection à cette peine. Il ne va pas rejeter cette peine ou essayer sans cesse de la repousser ou essayer d'y échapper par diverses ruses ou diverses raisons, non. Il a commis ce péché, il doit s'en repentir, c'est un grand péché. Il doit se repentir de ce grand péché. Et parmi les conditions du repentir, qu'il se rende pour subir la peine. Ou, il nous dit, rahimahullah, il demande son pardon, il demande le pardon de la victime. Si la victime le pardonne, alors il est pardonné. Mais il ne s'entête pas sur ce péché. Il ne persiste pas sur cela, à accuser cette personne d'une chose dont elle est innocente, sans aucune preuve. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, et si c'est de la médisance, il s'excuse de celle-ci. La médisance, c'est le fait de mentionner au sujet de ton frère, qui est absent, une chose qu'il réprouve, une chose qu'il n'aimerait pas entendre, une chose qu'il n'aimerait pas qu'on dise sur lui. Si tu as fait cela au sujet de l'un de tes frères ou de l'une de tes sœurs, alors, pour te repentir, tu dois remplir toutes les conditions que l'on a mentionnées précédemment. Cesser ce péché, regretter l'avoir commis, avoir la ferme volonté de ne plus le commettre, être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir à un moment où le repentir est accepté, et également tu dois réparer les torts causés. Et comment réparer les torts causés dans cette situation? La réponse est que si cette médisance est parvenue à la victime, que cet homme ou cette femme sur qui tu as médit, il lui est parvenu ce que tu as dit. Alors dans ce cas-là, pour que ton repentir soit accepté, il est impératif que tu lui présentes tes excuses et que tu lui demandes pardon. Sinon ton repentir n'est pas accepté, il n'est pas valide. S'il ne sait pas, mais que tu penses de lui, qu'il ne le prendra pas mal et qu'il acceptera tes excuses, alors tu te rends auprès de lui et lui présentes tes excuses. Sans rentrer dans les détails de ce que tu as dit pour ne pas le vexer, mais tu peux simplement lui dire « j'ai prononcé certaines paroles à ton sujet, je n'aurais pas dû faire cela, ceci est une injustice et je m'en excuse. Et je te demande de me pardonner. » Et ceci fait partie des conditions du repentir. Par contre, s'il ne sait pas et que tu crains qu'en faisant cela, il se produise un plus grand mal, qu'en l'informant il va mal le prendre, et qu'il risque par la suite de te boycotter, de ne plus te parler ou à son tour de commettre une injustice ou autre mal semblable, alors dans ce cas-là tu ne vas pas l'informer. Mais pour te repentir et pour remplir cette condition et pour réparer les torts causés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mentionner cette personne en bien dans les assises dans lesquelles tu as parlé d'elle en mal. Si par exemple tu étais dans un endroit ou avec certaines personnes et tu as médit sur cet homme ou sur cette femme, alors dans ces mêmes assises et devant ces mêmes personnes, tu vas l'évoquer en bien, en mentionnant ses qualités. Tu vas mentionner que ce que tu avais dit par le passé est une erreur, que tu n'aurais pas dû dire ça. Et également, tu invoqueras en bien en sa faveur. Tu fais des invocations en sa faveur dans tes prières, entre l'adhan et l'iqama, et ainsi de suite, afin de réparer les torts causés. Ceci sont donc les conditions à remplir pour te repentir lorsque le péché est lié à l'atteinte au droit d'autrui. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit: Wayajibu an yatuba min jami'i dhunub, fa in taba min ba'diha, sahhat tawbatuhu عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. Et il est obligatoire de se repentir de l'ensemble des péchés. On a vu que le serviteur, il peut commettre différentes sortes de péchés. Et il est obligatoire de te repentir de tous les péchés. Il n'y a pas des péchés que tu peux commettre ou sur lesquels tu peux persister. Mais tous les péchés, tu dois t'en repentir. Et il nous dit, mais s'il se repent de certains d'entre eux, c'est-à-dire qu'il se repent de certains péchés, mais qu'il persiste sur d'autres, alors son repentir est valide pour les gens de la vérité en ce qui concerne ce péché, et il lui restera le reste de ses péchés. C'est-à-dire que celui qui fait différents péchés, et qui se repent de l'un de ses péchés, tout en persistant sur d'autres péchés, alors son repentir de ce péché est valide, incha'Allah ta'ala. Toutefois, on ne pourra pas dire de lui que c'est un repenti de manière absolue. Il ne mérite pas les éloges que méritent les repentants, car il ne s'est pas repenti d'un repentir complet. Mais son repentir est incomplet, il est défaillant, car il commet encore et persiste encore sur certains péchés. Donc ce repentir est accepté en ce qui concerne le péché duquel il s'est repenti, mais il ne mérite pas d'être décrit par le repentir de façon absolue, car il lui incombe de continuer de se repentir de ses autres péchés. Et ceci est l'avis le plus juste sur cette question. Donc tu dois savoir que si tu commets des péchés qui sont différents, et que tu as la force de délaisser certains péchés et de t'en repentir, le fait de commettre d'autres péchés ne doit pas t'empêcher de te repentir de celui-ci. À titre d'exemple, on a nombre de personnes qui nous disent « Je fais tel et tel péché et je n'accomplis pas la prière. » Et j'attends de me repentir de tel et tel péché pour accomplir la prière. Et ceci est une erreur. Car en faisant cela, tu multiplies les péchés. Il se peut que tu commettes certains péchés qui sont gravissimes peut-être. Mais ceux-ci ne doivent pas t'empêcher de te repentir d'autres péchés. Ils ne doivent pas t'empêcher de te repentir du délaissement de la prière. Fais la prière. Et petit à petit, persiste dans le repentir et continue de délaisser les autres péchés que tu commets. Bi'idhnillahi ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, termine ce préambule en disant: وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَاهِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ. Et les preuves du livre, c'est-à-dire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, de la sunnah et l'unanimité de la communauté démontrent manifestement l'obligation du repentir. Et on verra, incha'Allah ta'ala, dans le prochain cours, quelques versets du Coran et les premiers hadiths que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés dans ce chapitre. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.